À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, a eu lieu le 1er juillet au port de Nampo, le meeting de souvenirs des matelots des bateaux battant pavillon panamien Kaishan et Zhongyu 57. Les orateurs ont dit que les exploits du président accomplis dans la lutte pour l'émancipation du monde et la défense de la paix et de la stabilité du monde seront éternels. Les participants ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.